Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer les béatitudes qui font partie du sermon sur la montagne, ce grand sermon que Jésus a donné près de la mer de Galilée. Et nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, tu étais assis en Jésus-Christ sur cette montagne. Et tu t'es adressé à tes créatures. Tu t'es adressé à la race humaine afin de te faire connaître, afin de vouloir leur dire que tu revenais en Jésus pour établir ton royaume sur les êtres humains. Aide-nous à bien comprendre ce que tu voulais faire. Pourquoi tu voulais le faire? Aide-nous à comprendre ce matin qu'est-ce que tu veux dire par heureux, béni ou bienheureux. Car notre place est à tes pieds pour te servir et te glorifier. Donc, on a commencé à voir hier ce qu'on appelle habituellement les béatitudes, ça veut dire le mot béatitude veut dire grand bonheur, grande joie. Donc, Jésus a dit heureux, et le bonheur qui nous est offert ici par Jésus n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on est. Et remarquez bien, pendant qu'on va lire, il va nous parler de ce que Dieu veut qu'on soit dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu regarde au cœur et non pas aux actions. Parce que les actions reflètent le cœur. Et nous allons donc, si vous voulez bien, lire à partir du chapitre 5, le verset 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc hier, on a vu les premiers... je pense que c'est 6 versets, on a vu que Jésus veut amener la foule à comprendre quelle sorte de personnes vont voir ou entrer ou posséder le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas une place quelque part, mais qu'on meurt, c'est plutôt un royaume sur lequel Dieu règne par le roi qui est Jésus-Christ. Et remarquons qu'il ne parle pas de quelque chose qu'on doit faire, mais quelque chose qu'on doit être. Il dit « Heureux les pauvres en esprit ». On a vu que c'était des mendiants spirituels, des gens qui n'ont rien à offrir, mais qui veulent recevoir le côté spirituel, qui veulent recevoir de Dieu. On a vu ensuite heureux les affligés, ceux qui pleurent sur leur état spirituel. Dieu va les consoler. Heureux ceux qui ont un cœur humble, ou qui sont débonnaires, ou qui sont doux. C'est ceux qui se laissent diriger, ceux qui se laissent conduire par Dieu. Ces gens-là vont hériter la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On a vu qu'on ne parle pas aussi de justice sociale, mais on parle de vouloir être juste, de vouloir posséder la justice. C'est quelqu'un qui est affamé de vouloir vivre justement. Dieu dit, je vais, moi, te rassasier. Remarquez bien, c'est un passif. Ils seront rassasiés. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont subir. Dieu va leur donner une nourriture qui va les rassasier. Et ce matin, nous allons continuer en regardant le verset 7. Heureux les miséricordes Dieu. Qu'est-ce que c'est que des miséricordes Dieu? C'est ceux qui sont touchés par la misère d'autrui. Comment est-ce que je peux être miséricordieux? Si je suis un mendiant spirituel, si je suis affligé de mon état, si je suis un débonnaire ou un doux ou un humble, si je fais de justice pour moi, je vais être plein de miséricorde pour les autres que je vois qui sont dans la même situation que moi. Je ne vais pas les juger et les condamner parce qu'ils sont comme moi. Quelqu'un a déjà dit un jour, « Ne coupe pas le pont de la miséricorde sur lequel tu as besoin de passer. » Si je ne suis pas humble, affamé, pauvre en esprit, je vais être plutôt un orgueilleux. Je vais être porté à condamner et accuser les autres. Je vais me voir mieux que les autres. Donc, je ne suis pas un miséricordieux, je suis plutôt un juge qui condamne. Et n'est-ce pas la marque de notre société de condamner les gouvernements, les parents, les enfants? On condamne les autres. C'est de leur faute si je suis comme ça. Pourtant, si on n'exerce pas la miséricorde envers les autres, on ne recevra pas la miséricorde. Si je vois mon état et l'état des autres, mon désir, c'est que Dieu soit miséricordieux envers moi. Dieu dit, si tu es miséricordieux, c'est parce que tu as vu ton état. Et moi, je vais être miséricordieux envers toi. Il y a un verset qui dit, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas été miséricordieux. Dieu va être miséricordieux seulement pour ceux qui sont miséricordieux. Ensuite, il parle au verset 8, « Heureux les cœurs purs. » Heureux les cœurs purs. Il y a deux possibilités ici. Il y en a qui pensent que heureux ceux qui ont le cœur pur, dans le sens qu'un cœur sans péché. Et l'autre sens, ça pourrait être heureux, ceux qui sont entièrement attachés à Dieu. Le mot, c'est que c'est un cœur qui n'est pas double. Je ne crois pas que c'est plutôt le... Je pense pas que c'est heureux ceux qui sont sans péché. Mais c'est heureux ceux qui ne sont pas double, qui n'ont pas un cœur qui s'attache à deux personnes. C'est ce que je pense qu'il va dire dans Matthieu chapitre 6. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Il faut que ton cœur soit complètement attaché à Dieu. Si ton cœur est complètement attaché à Dieu, il verra Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu pour avoir quelque chose de Dieu, mais son cœur veut Dieu, cherche Dieu, s'attache à Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que son cœur est pur. Et il va voir Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va être si sévère avec les hypocrites, qui, eux autres, ont un cœur double. Ils font semblant de chercher Dieu. Ils aiment Dieu, mais d'une façon égoïste. C'est ce que Dieu a voulu dire à Salomon quand il a dit « Celui qui me cherche, me trouve. » Ensuite, au verset 9, c'est marqué « Heureux ceux qui procurent la paix. » Est-ce que ceux qui procurent la paix entre les hommes, ces gens qui, ces genres de Gandhi, les gens qui favorisent la paix entre eux. Je me souviens un jour, j'avais vu un premier ministre qui voulait emmener la paix entre les différents peuples de la terre. Et pendant qu'il cherchait à faire la paix entre les hommes, il s'était divorcé. Comment peut-on vouloir la paix dans l'humanité quand on ne se ment pas la paix dans notre propre maison? Je crois que la paix ici, dont il est parlé, c'est non pas la paix entre les hommes, mais la paix entre Dieu et les hommes. Ceux qui procurent la paix, l'évangile de paix. On ne pourra jamais avoir la paix entre les hommes si ces hommes-là n'ont pas, premièrement, la paix entre eux. La paix avec Dieu, excusez. Quand je suis en paix avec Dieu, ça va m'aider à avoir la paix avec mes semblables. Et ces hommes-là et ces femmes-là qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Parce que Dieu est celui qui veut faire la paix avec lui et les hommes. Et si toi, tu veux amener la paix entre Dieu et les hommes, tu vas t'appeler fils de Dieu ou fille de Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire la paix entre Dieu et les hommes que d'être sauvé par Jésus-Christ. Recevoir l'évangile de paix. Recevoir la bonne nouvelle. Mais ici, Jésus, dans ce texte-là, invite les hommes à faire la paix, à entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, parce qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, ils sont des ennemis de Dieu. L'homme était en dehors du royaume de Dieu, en dehors de la royauté divine, en dehors du fait que Dieu est leur roi. Bien, ils ne sont pas en paix avec Dieu. Mais il les invite à entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire à faire la paix avec lui et de devenir ses sujets. Et je t'appellerai fils de Dieu. Je t'appellerai fille de Dieu. Ensuite, du verset 10 au verset 12, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés, ceux qui sont outragés. » Mais il faut faire attention ici. Beaucoup de gens qui sont dans des mouvements religieux peuvent être persécutés, peuvent être outragés. J'écoutais cette semaine une émission qui parlait qu'aux États-Unis, il y avait des problèmes là, de racisme spirituel. On était en guerre contre les musulmans. Les autres se faisaient persécuter pour leur religion, pour leur foi. Mais ici, le texte dit bien, heureux serez-vous si on vous outrage, si on vous persécute à cause de moi, à cause de Jésus. Donc, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas de heureux, il n'y aura pas de joie si tu es persécuté pour une religion. Ou parce que tu fais partie d'un mouvement. Je me suis aperçu que dans ma vie personnelle, j'ai souvent été persécuté ou outragé parce que j'étais un baptiste. On ne me persécutait pas à cause de Jésus. On me persécutait à cause que j'étais dans un mouvement religieux. Est-ce que c'est la même chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a une différence. Pour ceux qui me persécutaient parce que j'étais baptiste, c'était ils persécutaient quelqu'un qui était dans une religion. Mais ici, il dit bien heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont persécutés, outragés à cause du nom de Jésus. Parce que la justice n'est pas à cause qu'ils sont justes. Parce qu'on a dit un peu plus haut, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc, il n'a pas la justice, il en a faim de cette justice-là. Mais quand la justice ici, c'est, je crois qu'elle est, elle représente une personne. Parce que la justice, c'est le juste, c'est Jésus. La justice, c'est celle de Jésus. La justice qui vient de Dieu. C'est l'équivalent de persécuter à cause de moi. Mais il dit, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, parce que si vous êtes persécutés à cause de mon nom, vous allez recevoir une grande récompense dans les cieux. Donc il dit, quand vous allez rentrer dans le royaume des cieux, quand vous allez faire partie de cette justice-là nouvelle, quand vous allez avoir été rassasié, on va vous persécuter à cause de moi, à cause du roi, à cause de mon royaume que j'établis ici-bas. Quand vous allez être entré dedans, ce royaume, on va vous persécuter, on va vous outrager, mais réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et ce n'est pas surprenant qu'on vous persécute ainsi. On a toujours persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Donc ceux qui sont venus au nom de Dieu, qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont présenté Dieu, qui ont appelé les gens à se repentir et à venir se soumettre à Dieu, on les a persécutés. Et ça va être la même chose pour vous. Donc réjouissez-vous. Réjouissez-vous de faire partie du royaume des cieux, de vous être soumis au roi, car pour l'éternité, vous allez faire partie du royaume de Dieu. Notre Père du ciel, béni sois-tu que tu nous as invités à faire partie de ton royaume. Seigneur, donne-nous la grâce de proclamer ton nom, ton royaume, ta royauté, et d'accepter de souffrir si telle est ta volonté. Au nom de Jésus, amen.